Patage, une émission contre toutes les cages. Carapatage entre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire. En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage contre toutes les cages. Bonsoir à toutes et tous. On est dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Ce soir, c'est notre 79e émission et on est à la lueur de la bougie presque dans les studios de Radio Libertaire où il y a un problème électrique. Voilà, donc l'ambiance est un peu Halloween de notre côté. Le thème de ce soir, c'est l'enfance sous surveillance. Donc on va parler de différentes choses autour de la thématique de l'enfance et du statut de l'enfance. C'est Henri qui vous parle ce soir et je suis accompagnée de trois personnes dans le studio. Salut, moi c'est Avril. Salut, moi c'est Pile. Salut, moi c'est Yentel. Et à la technique. Salut, c'est Alix. Avant de commencer plus sur la question de l'enfance, on va parler de quelques actualités. Ouais, alors c'est moi qui commence. Pour vous parler de la répression en Martinique. Donc, j'imagine peut-être vous voyez le leader du RPRAC. Ah, merci. qui s'est fait arrêter petit tôt. Il s'est fait arrêter en novembre pour avoir tenté de rentrer dans la résidence du préfet quand il y avait le ministre des Outre-mer en Martinique. Depuis, il y a eu aussi d'autres arrestations pour cette même affaire. Et donc, toutes ces personnes vont passer en comparution immédiate à venir soit en décembre, soit en janvier, dans des procès séparés. Et là, Petito s'est fait réarrêter pour des vidéos considérées comme des actes d'intimidation envers des élus. Alors là, on précise ici que donc, les vidéos sont les actes, enfin, ce sont donc des paroles. Voilà. Et du coup, il a été condamné en comparution immédiate à 10 mois sous bracelet. Donc directement donné à la barre, et il va faire appel. Ce qu'on peut dire, au-delà des condamnations, qu'il y a effectivement une répression ciblée, même si on imagine qu'il y a plein d'autres personnes qui se font arrêter et condamner pour les émeutes et manifs qui ont eu lieu les mois derniers, qui sont déjà fait arrêter et condamner, mais on imagine que la répression ne s'est pas arrêtée. L'autre chose qu'on voulait mettre en valeur, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité lors de ces audiences. Et c'est pas trop une nouveauté en Martinique. On en a déjà parlé pas mal dans cette émission, mais par exemple, où il y a déjà eu des arrestations, par exemple, pendant des moments de solidarité pour des procès, par exemple, autour de la lutte contre le chlordécone ou autour de la lutte des déboulonnages des statues coloniales. Et du coup, là, pour ce dernier procès, il y a eu plein de gens devant, à l'extérieur du tribunal, qui s'entendaient depuis la salle. Et à la fin de l'audience, il y a eu un peu des affrontements, je crois, avec les flics et des projectiles qui ont brisé les vitres du tribunal. Moi, je vais vous parler d'une autre histoire de répression qui, dont le dernier épisode s'est passé le 10 novembre. Gino, un antifasciste, a été arrêté à Paris à cause d'un mandat d'arrêt européen. Il est arrêté pour une histoire en Hongrie dans le cadre de l'affaire des Antifas de Budapest. Une affaire qui fait suite à une mobilisation en opposition à la Journée de l'Honneur, un événement néo-nazi à Budapest qui a eu lieu en février 2023. Trois personnes avaient déjà été arrêtées lors de cet événement et condamnées à des peines de prison ferme, plus ou moins longues, mais de plusieurs années. La Hongrie demande son extradition, il n'est pas encore passé devant le juge et en attendant il est enfermé dans la prison de Fresnes. Pour le retrouver, il y a eu plusieurs avis de recherche non officiels qui étaient passés par des journaux, y compris en Allemagne, comme Bild. Et dans le même temps, un autre antifasciste a été arrêté en Allemagne pour cette affaire, mais aussi dans le cadre d'une autre affaire qui s'appelle l'affaire Antifa Host. Alors accrochez-vous parce que les deux affaires sont très liées, quoi. Antifa Host, c'est une grosse affaire d'association de malfaiteurs en Allemagne qui a débuté il y a quelques années, qui est menée par Sokolinx, un service de police du Land de Saxe, c'est un des trois États allemands, et qui enquête uniquement sur ce qu'ils appellent les extrémistes de gauche. Et déjà en avril 2023, si je ne me plante pas, quatre personnes comparaissaient dans le cadre d'un premier procès de Antifa Host et ont été condamnées jusqu'à 5 ans de prison, d'une peine de jusqu'à 5 ans de prison. Et voilà, du coup, cette deuxième personne, elle a été recherchée et en cavale depuis décembre 2021. Une grosse campagne avait récemment été lancée dans les journaux, des affichages publicitaires, etc., qui présentait des affiches avec sa gueule et une prime de 10 000 euros pour qui le retrouve. Et déjà, depuis des années, des infos et des images de cette personne étaient sorties dans les médias de droite, notamment parce que les enquêteurs de la Solo Sokolinx avaient fourni des infos à un journal fasciste qui s'appelle Compact. Il a été retrouvé via la filature d'une personne qui devait le retrouver. Et ces moyens d'enquête, ils s'accompagnent aussi de moyens de propagande qui visent à comparer les personnes recherchées dans le cadre de cette affaire à la RAF, par exemple, qui était une organisation d'extrême gauche qui pratiquait la guérilla urbaine dans les années 80. De manière à justifier des multiples perquisitions qui ont eu lieu ces dernières années, qui visent et les gens qui sont ciblés dans cette affaire, mais aussi les personnes qui leur sont proches. Et du coup, c'est la deuxième personne arrêtée dans le cadre de cette deuxième vague. Après Nanouk, un autre antifa qui a été arrêté en octobre 2024 dans le cadre de cette même affaire. Et de ce que je comprends, il chercherait une vingtaine de personnes. Mais du coup, la demande d'extradition, elle est vers quel pays ? La demande d'extradition, elle est vers la Hongrie. Et en fait, c'est deux affaires différentes, distinctes. Mais l'affaire des antifa de Budapest, qui correspond à ce contre-rassemblement en février 2023, elle intéresse beaucoup les flics allemands qui cherchent au sein de cette affaire des gens qui sont associés à leur assaut de malfaiteurs. Mmh. Et la prime là, de 10 000 euros, c'est quelque chose que l'État offre C'est extrêmement rare. Ouais, j'allais dire, c'est rare, c'est, ouais. C'est quelque chose de très nouveau. Et la dernière fois qu'ils l'avaient... Enfin, depuis les années 80-90, ils n'en faisaient plus trop. Et la dernière fois qu'ils l'ont fait, assez récemment, c'est pour quelqu'un qui avait détourné des milliards. Mmh. Donc, ça donne une échelle sur l'importance qu'il donne à la lutte contre l'extrême gauche là-bas. C'est un délire. Voilà. Moi, je vais vous parler d'un autre procès qui a eu lieu les 26 et 27 novembre dernier. C'était le procès de deux personnes qui avaient été arrêtées suite à la bordélisation de l'événement de dédicace de Transmania, le torchon transphobe du moment. Les personnes étaient jugées pour participation à un groupement, refus de signalétique, deux classiques bien connus et par ailleurs violence contre les flics pour l'une d'entre eux. La première personne a été relaxée et pour l'autre on aura son rendu le 10 janvier, force à elle et eux. Et pour continuer, le vendredi 22 novembre, enfin continuer sur un autre sujet. Et le vendredi 22 novembre, un prisonnier de Perpignan a profité que les matons lui fassent faire un passage à l'HP pour s'évader. Et il s'est rendu à nouveau aux flics deux jours plus tard. Alors je ne sais ni pourquoi il est parti, ni pourquoi il est revenu. En revanche, on peut trouver de très bonnes raisons de foutre le camp. Il était incarcéré depuis 2019 et libérable qu'en 2033. Ça donne très envie de mettre les voiles à la moindre occasion. Et on peut aussi comprendre pourquoi il s'est rendu malgré tout. La cavale, c'est pas la liberté, c'est une vie de clandestinité. C'est bien loin d'une vie libre dans laquelle on est recherché. Et la prison s'étend si loin hors de ses murs que parfois elle en vient à nous contraindre de nous rendre et à y retourner par nous-mêmes. Alors ça dégoûte et ça veut aussi dire que attaquer la tôle, c'est aussi attaquer tout ce qui existe autour. Et bon courage aux personnes qui sont en cavale. Alors moi, je vais vous parler d'un autre sujet qui est une opération de harcèlement policier contre la famille Gurem. Le 7 novembre dernier, une centaine de policiers sont intervenus sur le lieu de vie de la famille de Raymond Gurem dans l'Essonne. Alors Raymond Gurem, c'était un rescapé des camps d'internement pour les dits nomades et un résistant, un militant contre l'antiziganisme qui est décédé en 2020. À la recherche d'un membre de la famille Gurem, les policiers sont lancés dans une entreprise de terreur collective. Plusieurs personnes, dont des mineurs et des personnes âgées, ont été braquées, insultées, certains frappés. Des témoignages de membres de la famille rapportent une baffe donnée à un enfant de 12 ans, une balayette mise à un homme de 75 ans malade. Au-delà des nombreuses dégradations matérielles commises par la police, il s'agit d'un harcèlement ciblé. Des propos racistes ont été prononcés par un agent de la BAC. Je cite « Hitler n'a pas fini son travail, vous auriez dû finir dans les fours ». Raymond Gurem lui-même avait été victime de violences policières en 2014, à l'âge de 89 ans, frappé par deux flics qui voulaient perquisitionner sa caravane. Sa plainte avait été classée sans suite. C'est une opération qui s'inscrit dans la continuité des pratiques policières habituelles envers les voyageurs et les voyageuses, et aussi de tentatives d'effacement de leur persécution en France. Au cours de ce raid policier, des agents ont tenté de dévisser une plaque apposée à la mémoire de Raymond Gurem à l'entrée du chemin où vit sa famille. Et tout cela à quelques semaines avant la marche de commémoration de l'internement des familles tziganes et gens du voyage au camp de Linas-Montlhéry pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, cet ancien camp est situé en face du terrain où vit la famille Gurem, donc la symbolique parle d'elle-même. Comme les pratiques de punition collective vont être évoquées au cours de l'émission, cette intervention policière n'est pas sans rappeler celle du GIGN qui avait assassiné Angelo Garant sur le terrain de sa famille en 2017, en présence de celle-ci qui avait été aussi violentée par la police à ce moment-là. Avant de s'écouter une petite musique et de passer à la suite de l'émission, on va faire un petit point agenda avec trois rendez-vous. Alors, le premier, ce sera le samedi 7 décembre. Il y aura la 9e marche commémorative pour Babacar Gaye, qui avait été tué de 5 balles par la BAC de Rennes dans la nuit du 2 ou 3 décembre 2015. Le départ, c'est à 13h au 14 rue Ropparts à Rennes, le 7 décembre. Et la deuxième, c'est à Nantes. Comme dans de nombreuses autres villes en France, il y a le projet de construction d'un centre de rétention administratif à Nantes. Il y en a aussi deux en Ile-de-France, un vers Goussainville et un à côté de l'actuel centre de rétention du Ménil-Amelot. Et donc, il y a un rassemblement tous les premiers samedis du mois pour se rencontrer, s'informer et s'organiser. Et là, c'est le samedi 7 décembre à 14h au Miroir d'eau. Et le dernier rendez-vous, il se passe en Ile-de-France, plus précisément à Paris, samedi 14 décembre à 14h, pour manifester dans le cadre de la Journée internationale des migrants. C'est la manif annuelle et elle ira de Place de Clichy à Gare du Nord. Voilà, samedi dans deux semaines. Avant de passer à la question de l'enfant sous surveillance, on va s'écouter une petite musique. Je suis dans le cas, c'est... est de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages, le premier et le troisième mercredi du mois de 20h30 à 22h. Vous pouvez nous contacter pendant les pauses musicales au 01 43 71 89 40. On a aussi une adresse postale, c'est Carapatage, 4 Villa Stendhal, dans le 20e à Paris. Et on a aussi, alors, on a encore deux autres moyens de communication que sont notre compte Instagram, @carapatage, et notre adresse mail, carapatage@riseup.net. Tous ces contacts sont disponibles sur notre blog, ainsi que les précédentes émissions, carapatage.noblogs.org. L'émission de ce soir parle de l'enfance sous surveillance, et on vient aussi d'écouter Soleil mort de Éloi. Ouais, alors c'est moi qui voulais faire une petite introduction à partir d'un journal aparté, excusez-moi. L'introduction de cette petite partie autour de l'enfance et de l'enfermement spécifique à cette catégorie que sont les mineurs. Je voulais parler d'un petit journal qui n'est pas d'Île-de-France mais des Cévennes, qui s'appelle Cévenaire, et je voulais en particulier parler du numéro 4. Mais en fait, j'ai perdu ce numéro ce matin. S'il y a des personnes de Cévenaire qui nous écoutent, renvoyez-le nous. Et donc, je me rappelle quand même un petit peu ce qu'on trouvait dedans et pourquoi on voulait l'évoquer, entre autres, parce que on peut trouver des choses dont on parle pas mal dans cette émission. Donc, par exemple, ça évoque une révolte qu'il y a eu dans la prison de Nîmes. Ça fait un peu, un truc qu'on évoque un peu moins souvent, mais un historique des squats dans les Cévennes. Et ça donne l'info de la création d'un collectif d'entraide face à la justice dans les Cévennes. J'avais envie de vous lire leur petit texte pour vous donner envie, mais ce sera pour une prochaine fois. Et il y avait aussi un article qui est en rapport avec le sujet qui nous occupe précisément aujourd'hui, qui s'appelait « À chaque âge, sa cage, sa cage ». Et qui démarrait sur l'info que dans les collèges et lycées en zone REP, donc éducation prioritaire, ils sont désormais ouverts, et ce depuis pas cette année mais l'année précédente, de 8h à 19h pour proposer des études et du gardiennage, une manière de renforcer le contrôle sur les plus jeunes, un petit peu laisse pas traîner ton fils dans la rue, et le contrôle sera plus facile à effectuer à l'extérieur et plus diffus. Je n'en dirai pas plus sur cet article parce que je ne l'ai pas non plus. Par rapport à la thématique de l'enfance, il y avait un autre sujet qui était dans l'actualité. C'était une proposition de loi, un projet de loi autour de l'excuse de minorité. Yentl, tu vas nous en dire un peu plus. Oui, alors je vais vous parler un peu plus longuement de ce sujet qui occupe les médias depuis un moment. De critique de l'excuse de minorité et globalement de velléité de projet pour rendre la justice des mineurs encore plus répressive. Donc c'est un sujet qui a été mis au premier plan pendant les élections législatives de 2024 en particulier, avec en ligne de mire l'excuse de minorité qui devait être atténuée selon les macronistes, la droite, l'extrême droite, mais aussi certains syndicats de magistrats. On peut citer Unité Magistrat, Force Ouvrière, qui n'a d'ouvrière que le nom. Et ça, un peu dans un processus de vengeance au long cours suite aux émeutes de l'été 2023 qui ont fait suite au meurtre de Naël par des policiers et dans le but de mieux réprimer les mineurs et leurs familles. Alors, dans un premier temps, pour faire un petit retour historique sur l'établissement des seuils d'âge de minorité, de majorité, aussi de leur oscillement au niveau judiciaire, le code pénal de 1791, qui a été repris en 1810, fixe la majorité pénale à 16 ans pour les filles et pour les garçons. Mais en parallèle, la majorité civile est fixée à 21 ans en 1792. Et ça va être le cas jusqu'en 1974. Donc il y a un entrelacement des seuils de minorité et de majorité à la fois civile et pénale pendant presque 200 ans. C'est-à-dire que on peut être jugé pénalement comme un majeur et civilement être toujours considéré comme un mineur avec moins de droits. Cela dit, l'idée qu'on doit juger différemment mineur et majeur va se développer au cours du 19e siècle et devenir une préoccupation grandissante. Le code pénal de 1810 prévoit déjà des dispositifs spécifiques concernant les mineurs de moins de 16 ans traduits en justice qui peuvent être acquittés car ayant manqué de discernement, qui est une notion assez importante, ou bien voir leur peine être réduite en raison de leur âge. Ensuite, en 1906, la majorité pénale passe de 16 ans à 18 ans. En 1912, des tribunaux spécialisés pour juger les mineurs sont créés et la minorité pénale est également fixée à 13 ans. On peut dire que l'année charnière pour la justice des mineurs, c'est vraiment l'année 1945 et la fameuse ordonnance du 2 février qui devient le socle de la justice des mineurs, qui est promulguée cette année-là. Et c'est elle qui va introduire la fameuse excuse atténuante de minorité. Donc s'ensuit la création d'un corps de juges spécialisés, les juges des enfants, de la profession d'éducateur et d'éducatrice, de la direction de l'éducation surveillée, qui est devenue la protection judiciaire de la jeunesse dans les années 90. Cette ordonnance de 1945 a été énormément modifiée. On distingue différents tournants répressifs, notamment à partir des années 90, tout en se prévalant de respecter les pseudo-principes édictés par cette ordonnance, qui est que l'éducatif est censé primer sur le répressif, mais ça n'a jamais empêché d'enfermer les mineurs. Donc, pour en revenir aux années 90, l'excuse atténuante de minorité devient en 92 la diminution légale de peine. Et il y a un autre virage qui est pris pendant les années Sarkozy, qui sont un point d'orgue de la politique sécuritaire et de répression des mineurs. On peut citer les lois Dati de 2007, qui sont dites relatives à la prévention de la délinquance, et une autre renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Et ces lois ont élargi les exceptions à l'application de l'excuse de minorité pour les mineurs de 16 à 18 ans. Enfin, l'ordonnance de 1945 a disparu en 2021 au profit du Code de la justice pénale des mineurs, qui est un texte toujours plus répressif. Cela dit, il introduit la présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans, mais cela reste à l'appréciation du juge, et donc c'est pas absolu. Et en fait, c'est une mise en conformité de la France avec la Convention internationale des droits de l'enfant. Et c'est un article qui avait été ratifié par la France en 1990, mais jamais appliqué. Donc tout ça pour dire que la majorité des dispositifs qui sont désignés comme laxistes ne sont pas automatiques, ni des cadeaux faits aux mineurs justiciables. Et aussi une petite parenthèse pour souligner que lors des débats sur le code pénal de la justice des mineurs en 2021, notamment quand on débattait du seuil de non-discernement à 13 ans, ou moins de 13 ans, ou plus de 13 ans, en parallèle, on parlait beaucoup de l'âge du consentement possible des mineurs et de la façon de considérer qu'un adolescent puisse être discernant à un certain âge, mais pas encore consentant, et que c'est quelque chose d'interrogeant. Et pour ça, on vous renvoie à l'émission sur la dépénalisation de l'homosexualité, où ces questions sont évoquées. Donc je reviens au projet un peu plus actuel. Donc Gabriel Attal devait présenter à l'Assemblée le 2 décembre un projet de loi nommé « Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents ». Donc tout est dit. Donc ce projet de loi n'a pas encore été débattu à l'Assemblée nationale vu le contexte de motion de censure et de départ du gouvernement. C'est un projet qui agglomère en fait tous les discours et les propositions qui ont été surinés à partir des émeutes de 2003. Le rapporteur du texte a déclaré dès l'ouverture de la séance d'examen du texte en commission des lois que 30% des personnes condamnées pour leur implication dans les émeutes en 2023 étaient mineures, que 2/3 des mineurs placés en centre éducatif fermé ont été suivis par l'ASE et qu'un tiers des mineurs suivis en protection de l'enfance font l'objet de poursuites pénales à un moment ou à un autre de leur parcours. Donc c'est ça en fait le pivot de cette loi, et c'est de désigner ces jeunes-là comme cible. Donc pour résumer les points principaux du projet de loi, d'instaurer une procédure de comparution immédiate pour les mineurs à partir de 16 ans, instaurer un principe dérogatoire à l'excuse de minorité pour délits graves en récidive. Donc le juge devra motiver que l'accusé peut bénéficier d'une atténuation de peine en raison de sa minorité et non l'inverse. Donc la dite excuse de minorité deviendrait l'exception dans ces cas-là. Aussi, renforcer les sanctions contre les parents de mineurs mis en cause, verser des réparations, renforcer le délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales en instaurant une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende en cas de crime ou délit commis par un de ses enfants. Donc on sait qui ça vise, bah, les familles plus fragilisées, les mères célibataires qui ont été beaucoup stigmatisées dans beaucoup de discours depuis les émeutes. Et donc ce texte est passé en commission des lois. L'article sur les comparutions immédiates et sur le renversement de l'excuse de minorité ont sauté en commission, malgré le soutien du RN et de la droite. Mais ce texte a quand même été voté en commission et il restait un risque de dépôt d'amendement par les macronistes, par la droite et l'extrême droite à l'Assemblée. Bon, est-ce que ça se fera? On ne sait pas. Mais dans tous les cas, c'est une victoire idéologique de l'extrême droite qui va renforcer son offensive dans sa dénonciation d'une justice des mineurs qui serait laxiste. Et d'ailleurs, le RN avait déposé une proposition de loi en octobre pour abaisser la majorité pénale à 16 ans et donc revenir... comme si on était en 1906. Ce jeu sur la malléabilité des seuils d'âge a aussi été utilisé par Dupond-Moretti quand il était encore ministre au cœur de l'été 2023. Il avait demandé au procureur de vérifier si la présomption de non-discernement, donc due au moins de 13 ans, pouvait être renversée pour poursuivre davantage de mineurs. Aussi, des figures de gauche comme Olivier Faure ou le maire de Marseille se sont déclarées assez favorables à une possibilité d'écarter l'excuse de minorité dans certains cas, cachée derrière ce qu'ils nomment faits divers. Car oui, des mineurs peuvent violer et commettre des féminicides, des violences racistes, transphobes ou homophobes. Mais si la prison ne nous sauvera pas du patriarcat, écarter l'excuse de minorité non plus. Car ça empêcherait d'affronter et de comprendre collectivement le fait que des enfants puissent... commettre des violences comme celle-ci et comment le patriarcat et le racisme s'enracinent même parmi les mineurs. Et on peut faire aussi un parallèle de ce type d'instrumentalisation qui a été fait en Italie où le gouvernement d'extrême droite de Meloni a adopté un décret qui s'appelle le décret Caivano en 2023. Suite au viol de deux enfants de 10 et 11 ans par un groupe d'adolescents, le décret a rendu la justice des mineurs encore plus répressive, notamment en affaiblissant les dispositifs d'atténuation de peine pour les mineurs. Et en fait, ça aboutit à un surenfermement historique des adolescents qui finalement sont bien souvent incarcérés pour autre chose que des violences sexuelles. Pour continuer sur cette thématique de la répression des mineurs en lien avec leur famille, on a eu une actualité autour de ça, c'est le maire de Rieux-la-Pape, à proximité de Lyon, qui veut condamner les familles de mineurs émeutiers. Le 31 octobre dernier, les flics interviennent à Rieux-la-Pape, au quartier de la Velette, pour disperser un barbecue sur la voie publique. Le gaz lacrymogène est utilisé et plusieurs mineurs âgés de 13 à 17 ans sont interpellés. En réaction, deux bus sont incendiés dans la soirée du 1er novembre, entraînant de nouvelles interpellations. Au total, 7 personnes passent en comparution immédiate et l'un d'entre eux prend 4 mois ferme pour outrage et rébellion sur un agent. Voilà, ça donne une idée d'une sorte de punition suite aux émeutes qu'il y a eu. Et par ailleurs, le maire demande une expulsion des familles des mineurs mises en cause de leur logement social, ainsi que la suspension des aides municipales pour le permis de conduire et l'accès aux épiceries solidaires. On en a parlé dans l'émission 51 sur les expulsions locatives de l'entourage des personnes condamnées, que vous pouvez écouter pour en savoir un peu plus. C'est un fait qui nous en informe plus sur le harcèlement des quartiers populaires par la police et aussi comment une famille entière peut être impliquée dans une logique de répression et de punition. Et du coup, voilà, cette mesure-là qui était de pouvoir exclure les familles des personnes condamnées, c'était une mesure qui existait déjà depuis un peu longtemps, mais qui n'était pas forcément mise en œuvre, et ça devait concerner des condamnations dans le logement, etc. Et puis, en fait, à un moment, sur un fait divers, à Cannes, hop, le maire s'est dit « je vais en faire mon cheval de bataille mmh. ». Et ben mince, j'ai oublié la suite de cette phrase. Je voulais en faire mon cheval de bataille. Et je suis très content que la gauche le reprenne, comme c'est le cas à Montreuil. Voilà, c'était ça. C'était pas tout à fait ça, mais voilà. Et donc, ben voilà, ça y est, c'est le cas à Montreuil. Le maire Patrice Bessac s'en félicite, et s'en félicite à la télé, sur France Info, parce que lui aussi a réussi à faire expulser... dans certains nombres de CHLM, des familles qui étaient connues pour être, dit-il, favorisées et développer le trafic de drogue. Donc voilà, ça a été quand même, cette mesure a été quand même assez mise en valeur au moment des émeutes de Naël, et maintenant elle est utilisée sans complexe par les maires de gauche, mmh. voire d'extrême gauche. Mmh. Et bah, c'est un peu comme la vidéosurveillance, on peut aussi le remercier d'avoir bien installé la vidéosurveillance à Montreuil. Et donc ce même jour où il intervenait sur France Info pour se féliciter de ça, bah, il signait un arrêté d'expulsion pour un squat qui venait à peine d'être ouvert, qui était dans le but de reloger plus d'une dizaine de personnes qui s'étaient fait expulser quelques jours dans la même ville, juste avant la trêve hivernale. Voilà. Et juste pour rebondir là-dessus, oui, il avait dit que Bruno Retailleau avait de bonnes idées, contrairement à Darmanin. Et c'est vrai que ça me rappelle un truc historique, qui est que l'affaire de Montigny-lès-Corneille, la ville dont Robert Hue était maire dans les années 80, et où il y a eu une campagne orchestrée par le PCF local qui accusait un membre d'une famille d'immigrés marocains d'être un dealer, et qui avait organisé bah, toute une campagne avec manifestation devant l'immeuble où ils vivaient pour les faire expulser de leur logement social. Enfin, il y a une vidéo sur l'INA, vous chercherez Montigny... les Corneilles, et donc voilà, c'est un peu les bonnes pratiques du PCF. Voilà, qui en fait a introduit en France des pratiques et des discours de la guerre à la drogue, en fait. Donc pas étonnant qu'ils trouvent que Retailleau a des bonnes idées. Pour se faire une petite pause de toutes ces histoires, on va s'écouter une petite musique. On est sur Radio Libertaire 89.4 FM. Vous écoutez Carapatage, l'émission contre toutes les cages, le premier et troisième mercredi du mois de 20h30 à 22h si on est à l'heure. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'émission sur carapatage.noblogs.org. Là, ce soir, c'est notre 79e émission, donc les 78 précédentes sont sur le blog. Ce soir, on parle de l'enfance sous surveillance. Et on vient de s'écouter notre deuxième musique de l'émission, c'était All I Want de The Offspring. J'écoutais ça au collège. alors, ce soir, on parle de l'enfance sous surveillance et on va vous parler de deux procès mis en examen dans la suite de cette émission. Le premier, c'est de suite au décès d'une prisonnière à Fresnes en 2020 et on a eu envie d'en parler parce que c'était une prisonnière qui était passée par l'ASE et de nombreux prisonniers en fait passent par l'aide sociale à l'enfance et voilà, c'est des parcours d'institutionnalisation qui passe d'une institutionnalisation de l'enfance à une institutionnalisation en prison. Donc là, c'était le procès d'un capitaine de détention pour non-assistance à personne en danger suite au suicide d'une prisonnière au quartier disciplinaire de la maison d'arrêt des femmes de Fresnes le 29 octobre 2020. Ferrare, le chef de détention, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis suite au suicide de Karima Tagdmit, donc au quartier disciplinaire de la MAF de Fresnes. On lit dans les comptes rendus d'audience que le reste de la détention, directrice, autre agent, témoigne contre lui et c'est probablement ça qui a fait la différence, alors qu'on sait que dans la plupart des cas, la justice n'est pas saisie, il n'y a pas d'enquête ni de procès, car les matons se couvrent entre eux. Après, on ne va pas non plus se féliciter de ce procès, c'est pas ça qui va empêcher les gens de mourir au mitard, la prison dans la prison. Karima, elle avait été condamnée à 30 jours de quartier disciplinaire après une altercation avec ce même chef de détention. Et elle avait vu ses possibilités d'aménagement de peine et de semi-liberté ne plus être réalisables, probablement, ce qui avait été très difficile pour elle. On lit aussi qu'elle avait eu une enfance compliquée, où elle était passée par l'aide sociale à l'enfance, ce qui, on le rappelle, est monnaie courante parmi les prisonniers-prisonnières. Quant à ce gradé, il allait être promu directeur de prison. Est-ce que ce sera toujours le cas avec l'administration pénitentiaire ? Tout est possible. Et donc moi, je vais vous parler d'une mise en examen d'autres personnels de type maton et assimilé. Au début du mois de novembre, 6 éducateurs ont été mis en examen pour violence volontaire sur mineurs suite à des actes de maltraitance qui ont été révélés en 2020 et qui se sont produits dans 2 centres éducatifs renforcés, le centre du Climont et celui du Creusweg en Alsace. Les faits ont révélé qu'un groupe d'éducateurs faisait régner la terreur dans ces 2 centres éducatifs renforcés par des insultes, des coups, des humiliations publiques, des menaces, des jeux pendant lesquels les éducateurs réglaient leurs comptes sur les jeunes, par exemple en les défiant au judo. Si l'on n'attend rien des mises en examen et des procès, que cela arrive au bourreau de personnes enfermées reste rare. Néanmoins, l'association gestionnaire des 2 centres, l'association régionale spécialisée d'action sociale, d'éducation et d'animation, les associations gestionnaires, on en a parlé à la dernière émission, qui gère aussi des ESAT et compagnie, et la protection judiciaire de la jeunesse sont mises hors de cause par la justice dans la survenue de ces violences. Juste pour rappeler pourquoi il y a une association gestionnaire dans l'histoire, les centres éducatifs fermés et renforcés sont considérés comme des lieux de placement et non pas comme des lieux de détention, donc l'administration pénitentiaire n'y est pas présente et leur gestion est en grande majorité déléguée à une association. Il y a peu de centres éducatifs fermés et renforcés directement gérés par la PJJ, même si elle y est présente par des éducateurs, etc. Donc, ainsi, c'est la justice qui avalise la position du président de l'association gestionnaire qui a déclaré que « il n'y a pas de violence institutionnelle, mais des dérapages individuels. Je n'étais au courant de rien avant les articles de presse. » En plus d'avoir tout de même été alerté par certains salariés au préalable, selon différents articles de presse et enquêtes, certains sévices vécus par les adolescents sont des techniques structurelles de punition employées dans des lieux d'enfermement, comme la condamnation à manger du pain et du thon pendant une semaine pour les fugueurs quand ils sont repris, qui nous rappelle le temps des colonies pénitentiaires, aussi la contention physique avec des plaquages au sol pratiqués par les éducateurs pour soi-disant calmer les crises des jeunes, qui sont des pratiques qu'on commet en hôpitaux psychiatriques. Les centres éducatifs fermés renforcés ne sont pas une alternative à l'incarcération, mais bel et bien des lieux d'enfermement à part entière qui ont beaucoup de porosité avec la prison ou l'HP, et où les encadrants intègrent des pratiques pénitentiaires. Il y a d'autres exemples où, dans certains centres éducatifs fermés, les adolescents subissent des fouilles par les éducateurs qui ne sont pas habilités à ça, mais qui ont intégré ce genre de pratiques et les font sans en avoir l'ordre. Et c'est pas réductible à des questions de moyens, de diplômes ou d'argent donné à la PJJ. On voit dans les lieux de la PJJ, dans les centres éducatifs fermés, etc., comment la violence est un outil qui est utilisé pour réprimer les enfants. C'est le cas dans ces lieux-là, mais c'est aussi le cas de manière générale pour les enfants, parce que l'enfance est un statut spécifique. Et pour en parler un peu plus, on va lire un texte de Christiane Rochefort qui récemment a été, dont un extrait a été publié dans le livre Politiser l'enfance aux éditions Burnout. C'est un gros pavé sur l'enfance de manière générale. Ce soir, on va parler de deux chapitres qu'on a lus pour préparer cette émission. Donc le premier, c'est les enfants d'abord de Christiane Rochefort, dont Avril et moi, on va vous lire un extrait. Christiane Rochefort, c'est une écrevisse, parce qu'elle n'aimait pas le mot écrivaine, et du coup, elle disait que... elle disait qu'elle n'aimait pas veine dans écrivaine, du coup elle disait je suis une écrevisse. Voilà. Tu veux rajouter un truc sur Christiane Rochefort ? Non, juste que c'est une écrivaine féministe assez pionnière sur la question de l'enfance et qui a aussi écrit un roman très fort sur l'inceste qui s'appelle La Porte du Fond. Donc si vous avez l'occasion de lire ce roman, vous pouvez le faire aussi. Alors, le passage s'appelle « Les enfants, une oppression très spécifique ». L'enfance est une institution, non un fait. Comme fait, l'enfance est un état mouvant aux limites imprécises. Comme institution, elle va de la naissance à un âge fixé par décret. On dit enfant, adolescent ou jeune, selon les besoins de la cause. La loi dit mineur, et c'est la seule expression claire. Les sociétés modernes ont légalisé une discrimination fondée sur une différence de force musculaire. Mineur signifie moindre, plus petit, inférieur. Les dits, entre guillemets, enfants, sont un ensemble d'humains plus faibles au combat au corps à corps, constitués par les plus forts en catégorie et soumis à un statut et à un traitement spéciaux. Le statut est la privation de l'autonomie. Cette oppression est très spécifique. À vrai dire, quand on y regarde, personne n'en a nulle pareille. Elle commence à la première minute et elle ne cesse plus. Elle n'a pas d'horaire, pas de pause casse-croûte. Repas en famille ou à la cantine, surveillé. Récréation, surveillée et minutée. Temps de parcours de l'école au domicile, généralement contrôlé, surtout les filles. Pas de soirée libre ou sortie sans autorisation avec heure de retour prévue. Pas de dimanche, famille, ni fête de famille ou groupe. J'ai sauté une ligne. Pas de soirée libre ou sortie sans autorisation avec heure de retour prévue. Pas de dimanche, ni fête de famille. Pas de vacances libres, famille ou colonie avec moniteur, même si les moniteurs sont permissifs, c'est une tutelle. Les garçons qui peuvent aller jouer avec leurs copains en dehors des heures de classe le doivent à la pauvreté de leur famille ou à son libéralisme. C'est de toute façon une permission octroyée, non un droit. Pas de refuge nocturne, sommeil même sous contrôle. La surveillance est à temps complet. Et pour l'espace, à la maison, à l'école, dans la rue, sur la plage et quasiment aux chiottes. Champ illimité. Pas de refuge. La chambre est entrée libre. Les grandes personnes peuvent même ne pas frapper. Tu n'as rien à me cacher, entre guillemets. Les tiroirs peuvent être visités, les cahiers intimes lus, le courrier peut être ouvert, voire détourné. Ou bien on en demandera l'origine et le contenu. ne pas le faire est considéré comme du libéralisme. C'est un texte de 1976, donc peut-être que le contrôle des courriers en 1976, c'est le contrôle des smartphones aujourd'hui. Ou des journaux intimes. Quelle que soit la doctrine adoptée, la marge de vie privée est à la discrétion des parents. On peut surprendre les enfants, les questionner jusqu'à ce que ça sorte. Où es-tu allé? Qu'est-ce que tu étais en train de faire dans ton coin? Montre des mains. Que caches-tu sous ton cahier? Cacher est une faute. C'est mal, puisque tu caches. Quand on est petit, on ne trouve vraiment la paix que sous la table. L'interprétation adoptée de ce phénomène universel étant « sous la table », c'est le retour au ventre de maman. Les interprétations concernant les enfants vont toujours dans ce sens-là. C'est drôle, vers le passé fermé, jamais vers l'esprit libre. C'est curieux. Ils ont dû oublier, les interprétateurs, qu'ils furent eux-mêmes des enfants et se fourrèrent sous la table pour tout bêtement ne pas être en pleine vue. Le temps des tables, hélas, ne dure guère. On devient trop grand et super visible. Un enfant est en permanence sous le regard des adultes. Il n'y a que le taulard qui en soit au même point. Lui, c'est pour le punir. Les enfants, c'est pour les, entre guillemets, protéger. Encore les taulards disposent-ils de leurs pensées? Les enfants, non. À quoi penses-tu? Je sais ce que t'as dans le crâne. On se trouble, ça se voit. Il y a même encore des enfants qui rougissent. On apprend à mentir, mais moins vite à se faire un masque. Certains croient que leurs parents lisent leurs pensées. Est-ce faux? Les enfants sont exposés. L'expérience des enfants est visitée comme leur tiroir. Leur façon de ressentir est mise en question. Et si, non conforme à l'attente, invalidée, aux besoins reconstruite, et à eux resservie comme leur seule vraie vérité propre. Tu n'aimes vraiment pas cette musique. Tu veux seulement faire comme tes copains. Tu affiches ces idées pour. Tu es sous l'influence de, etc. Et l'ensemble des enfants est officiellement réinterprété par les experts en enfants. La vraie jeunesse, ce n'est pas. La vraie jeunesse, c'est. Les mouvements des enfants sont limités à l'intérieur de ce complexe espace-temps contrôlé. Pas de mobilité sans autorisation jusqu'à au moins 16 ans. Aller se promener, si t'es mineur, ça s'appelle fuguer. On avait envie de lire cet extrait parce que il a une vision de l'enfance qui est un peu différente de celle qui est communément admise et qui, voilà, on parle comme d'un statut social opprimé. C'est un peu ça qui est au cœur de ce qu'on dit ce soir et puis aussi du livre de manière générale, Politiser l'enfance. Et maintenant, avant de passer à la suite, donc le deuxième chapitre qu'on a lu, on va écouter une petite musique. C'est la musique. La vie est brutale. Well, on envoie un message. La vie est brutale. Brutale. La vie est brutale. Brutale. La vie est brutale. Ce dont je viens vous parler est un sujet important. Souvent délaissé par des gens indifférents. Nous sommes dans l'an 2000, pourtant ce n'est pas si facile. Les gosses craquent de froid et vivent dans les bidonvilles. Comment peut-on accepter dans cette société, ce n'est nous d'égalité, une telle cruauté. Les gosses naissent dans les routes de tous les états, poussés à voler et pourchassés comme des rats. Pourtant ils ne le sont pas, non, ce sont des êtres intelligents. La vie ne leur a pas offert la richesse et l'argent. L'argent, le fric, la thune, le pognon. C'est avec ça qu'on est bienvenus dans le monde où nous vivons. Mais les enfants, je vous parle, n'ont pas eu de chance. Ils souffrent en silence, leur espérance n'est pas immense. Il faut comprendre que leur vie n'est pas la vie idéale. Trouvez-vous ça normal, que leur vie soit brutale. ceci n'est pas un jeu. Non, ceci est dangereux. Une génération sacrifiée, je trouve cela très seul. N'ayant pas de parents, n'ayant pas de maison, la drogue est pour eux le seul moyen d'évasion. Mais que fait le gouvernement, celui qui est pas d'argent? Il oublie ses enfants et investit dans l'armement. Je trouve ça dégoûtant, moi je trouve ça répugnant. Oh oui, je suis révoltée, est-ce que tu me comprends? Car je me sens concernée. En tant qu'adolescent, une telle situation ne se porterait pas longtemps. Oh oui, vous faire raisonner. Telle est mon idéal, c'est normal, ça vous fait mal. Ouais, la vie est brutale. La vie est brutale. Brutale. La vie est brutale. C'est une souffrance cruelle et prolongée que d'être née. Dans ce putain de monde, dans cette putain de société, une société. Oh oui, dans laquelle l'argent est roi. L'égalité n'existe pas, l'égalité doit être respectée dans tous les domaines. Impossible de faire martyriser, d'apaiser sa haine. Oui, ce système là, reste pour ce bain de crasse. Le gris danger de rime, remettre toutes les choses en place. Homme de bon cœur, où vous venez tendre la main. Car ces enfants sont avant tout des êtres humains. Ne vous laissez pas abîmer par la richesse et le pouvoir. Tout cela pour vous quitter et vous laisser sans espoir. Sans espoir. Connaissez ces enfants, ils ne croient en rien. Pour eux l'avenir est pas grand. Ils ont pas connu l'école, mais connaîtront la tôle. Leur avenir est classé, il est déjà sous contrôle. Alors que faire, mon frère, leur vie est un enfer. Regarde ce qui passe, y'a pas de quoi en être fier. Sommes-nous égaux, cette question est fatale. C'est normal, ça vous fait mal. Car la vie est brutale. Vous êtes bien dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Ce soir, on parle de l'enfance sous surveillance. On vient d'écouter « La vie est brutale » de Idéal J. Et Vlatipak, j'apprends pendant la pause musicale qu'en fait, c'est Kerry James quand il était petit. C'était un son qui nous avait été trouvé par Avril, qui a toujours des découvertes musicales. Il ne faut pas dire tout le temps les gens qui donnent la musique. Ouais, c'est vrai. Et bien, c'était un son anonyme. On continue cette émission par rapport aux deux chapitres de Politiser l'enfance qu'on avait lus. Et donc là, on va parler de l'utilisation de la protection des mineurs comme outil de répression. Ouais. Avec un article qui s'intitule « L'enfant à problème, provocation en vue du démantèlement de l'État carcéral ». Alors, je vous préviens, la provocation est relative et le démantèlement aussi. Mais j'ai quand même trouvé que cet article était intéressant et donc j'avais envie de vous le raconter un petit peu. J'espère que vous allez vous y retrouver. Donc, c'est un article écrit par Erika Meriners. en 2017 et qui s'intéresse, donc elle est autrice et éducatrice et elle parle de ce qui, elle est aux États-Unis et donc là ça va parler que du contexte des États-Unis, mais on va retrouver pas mal, je pense, de réflexions et d'informations un peu qui font écho à ce que tu as un peu parlé sur l'excuse de minorité auparavant, quoi. Yentl. Et du coup, elle questionne, dans une réflexion assez réformiste quand même, les tentatives réformistes dans le contexte des luttes autour de l'abolitionnisme de la police et de la justice, dans le contexte de Black Lives Matter, mais aussi des groupes conservateurs qui questionnent ce qui envisage la possibilité de... d'abolir la police et la justice. Et cette réflexion et ces luttes se retrouvent aussi dans les écoles, avec par exemple un mouvement contre le School to Prison Pipeline, qui dit en gros que l'école est une entrée vers la prison pour les mineurs, en particulier pour les mineurs précaires et ou racisés, du fait d'une augmentation de la tolérance zéro dans les écoles et de l'inégalité d'accès à l'école. Un mouvement qui pourrait être positif selon elle, car moins répressif, mais qui est en fait une espèce de pratique disciplinaire alternative qui étant le domaine de l'État carcéral. Et elle dit, elle cite à ce moment-là Angela Davis dans son livre « La prison est-elle obsolète ?» en disant, et cette phrase m'a un petit peu parlé, même si voilà, c'est assez... on le sait pas mal, mais elle est assez jolie. Elle dit « Le paradoxe est que la prison est un fruit d'efforts concertés de la part de réformateurs soucieux de créer un meilleur système punitif. Si l'expression « réforme des prisons » nous vient spontanément à l'esprit, c'est parce que les mots « prison » et « réforme » sont inextricablement liés depuis que l'incarcération est apparue comme principal moyen de châtiment envers les contravenants à la loi. » Et donc, elle donne l'exemple de cet élargissement de la carcération qui est une histoire qui étend la punition. Et donc elle dit au cours des deux derniers siècles, par exemple, la création de pénitenciers, de maisons de correction pour les jeunes et pour les femmes, et même les quartiers de haute sécurité, ça a été défendu par tous ceux qui avaient de bonnes intentions et voulaient améliorer les anciennes formes de punition. Donc voilà, elle dit... tous ces développements et a naturalisé, étendu et naturalisé un état carcéral. Donc elle ici, elle définit un état carcéral qui inclut tous les services d'aide, par exemple, entre autres, pas que voilà, tout ce qui est l'économie de l'état carcéral aux États-Unis, mais aussi tout ce qui est services d'aide au travail, services d'aide sociale, services d'aide à l'immigration, etc. Et donc elle se questionne sur si ça élargit ou pas, ou si ça dénoue hein, les réformes. Bah, nous, à Carapatage, ça fait longtemps qu'on a tranché cette question. Voilà, sans lui donner de... Voilà, on en est là un petit peu, quoi. Et du coup, là, c'est un peu son espèce de préambule. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est la question du traitement de l'enfance, de ce que ça va impliquer sur les mineurs dans les différents pans de l'état carcéral, et aussi un retour historique. Elle parle un peu de, voilà, les jeunes personnes sont comme vulnérables, mais la précarité des mineurs, c'est pas, ça veut pas dire que pour autant c'est partiellement fabriqué. Et donc, et fabriqué aussi, et c'est aussi un moment de modeler l'enfant en un adulte. Et donc, et du coup, une forme un peu de précarité de l'enfance qui est aussi faite pour modeler cet adulte, quoi. Donc, elle dit qu'il y a une distinction entre l'idée de l'enfant et la catégorie vécue. Est-ce que ça peut produire sur les connaissances et, par exemple, sur les exemples de la justice des mineurs pardon, je me suis un petit peu perdue. Mais en gros, elle dit la description de l'enfance aux États-Unis où la perception peut être divers, donc c'est-à-dire comme un cycle de la vie, un groupe social, ou des catégories qui peuvent être assez brouillées entre enfants, jeunes personnes, mineurs, mais ces catégories, elles sont brouillées aussi pour qu'elles puissent être malléables à certains endroits, quoi. Et elle suggère ici que ce que l'enfant est, c'est-à-dire ce n'est pas un adulte. Donc elle a envie de dire, moi ça va être dire ce n'est pas un adulte, ça va être ça, un enfant. Et qu'en même temps, elle insiste un peu sur la notion de la perte de l'innocence, à la fois qui va avec l'acquisition de la raison. Et elle, ça lui semble pertinent, mais éphémère. Donc ça va être un moment éphémère, quoi. Et donc, cette catégorie, elle est utilisée dans plein de domaines, et ça n'a pas toujours eu des pouvoirs magiques, cette catégorie de l'enfance, etc. Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'elle prend, elle, des exemples de l'Angleterre du XVIe siècle, où il y avait des adolescents qui étaient couramment élus au Parlement, par exemple. Et aussi, elle raconte l'histoire de... Donc ça, moi, ça me semble un peu plus limite comme exemple, mais d'une... d'une enfant de 9 ans, enfin chacun voilà met les mots, mais qui est mariée à cet âge-là et qui demande 2 ans plus tard son divorce. Voilà, elle dit c'est un peu un retour, enfin il y a quand même une forme de pouvoir à cet endroit-là, etc. Et elle donne aussi l'exemple d'un adolescent de 14 ans qui lui se fait exécuter pour avoir empoisonné son maître. Et alors, a priori, on suppose qu'il avait 14 ans, mais à ce moment-là, je ne rentre pas du tout en compte dans la condamnation. Et donc, elle explique ce changement un peu de perception qui arrive à un peu où on en est maintenant, quoi, par le déclin de la mortalité infantile et l'augmentation de l'alphabétisation. Et du coup, ce qui fait que ça passe de la version de l'adulte qui est petit à un enfant comme futur adulte. Et donc l'enfant devient forcément c'est un moment pour être un futur adulte, quoi. Et le but, c'est être adulte. C'est un adulte pas complet, quoi. Ouais, c'est voilà. Un adulte en formation. Ouais, exactement. Et donc il n'y a pas forcément de clarté dans la limite et dans la fonction. Enfin, je sais pas si vous voulez, mais genre tout ce qui est entrée dans les institutions clés. Qui définissent l'âge adulte, que ce soit la force de travail, le politique, le mariage, l'armée, toutes ces choses qu'on a vues un peu tout à l'heure, donc différence de minorité, majorité en fonction des différentes catégories, quoi. Et par exemple, aux États-Unis, dans les années 50-60, il y a une préoccupation de la délinquance. Donc ça devient un problème à gérer, à étudier, une construction de nouvelles réglementations, et qui va avec tout un tas d'expertises spécifiques, mais aussi de catégories. Et en fait, il va y avoir une différence raciale de l'image et du traitement à l'enfance et de la perception de l'âge de l'enfance. Dès le 19e siècle, c'est de l'enfance blanche dont on parle aux États-Unis, parce qu'à la même époque, il y a la création de la catégorie Picani, qui en fait est un ou une mineure noire, sans sensibilité, effrayée ou heureuse, résistant à la douleur, etc. Alors que, au même moment, il y a l'enfance. Mais en fait, l'enfance blanche qui est innocente, humaine, qui est l'enfant, quoi. L'image qu'on se fait de l'enfant. Et une image qui persiste, par exemple, dans la protection de l'enfance, qui va être moins accordée à des enfants noirs et qui vont être plus perçus comme des adultes. Elle donne des exemples de meurtres policiers qui sont intervenus à des moments où, par exemple, un gamin qui joue avec une arme en plastique plutôt... on imagine peut-être de grande taille, en tout cas, voilà, le flic dit « j'ai eu affaire », je ne sais plus exactement comment il dit, mais « j'ai eu affaire à Hulk », voilà. Et ça arrive à plusieurs moments. Et du coup, ça, c'est une différence du traitement de perception, en fait, face à la justice. Et du coup, elle donne aussi des statistiques de, à des moments, en fait, quand on ne donne pas l'âge, les gens imaginent et plaquent un âge qui n'est pas du tout celui qu'ils ont. Et donc voilà, si cette catégorie-là de Picani, par exemple, elle n'existe plus, maintenant il y a plein d'autres catégories qui aussi en France existent, voilà, voyous, membres de gangs, délinquants, etc. Ou même, je peux y penser sur la question de l'asile, ou la question d'être mineur ou majeur, elle compte beaucoup, et où on peut voir quand même très souvent des juges qui justement cherchent à catégoriser les gens en fonction de ça, avoir une grosse méfiance sur la question de l'âge, est-ce que cette personne est mineure ou pas. Ouais, la présomption de majorité, en fait, y compris sur des critères biologiques, y a toujours les tests osseux ou la barbe ou ce genre de choses. Ouais. Et du coup, là, après, elle revient un peu plus sur l'image de l'enfance Et donc, elle dit, par exemple, ça, c'est une image qui va être pas mal être utilisée dans les mouvements révolutionnaires. De dire bah, l'image de l'enfance comme la liberté, etc. Quoi, comme une demande un peu inconditionnelle de liberté. Et elle rappelle à cette occasion que ça, c'est un peu une demande qui n'est jamais accordée aux personnes handicapées, qui vont toujours rester dans l'enfance, etc. Et considérées voilà, comme pour toujours enfants, n'atteindront pas le stade adulte, etc. Elle dit aussi que cette image de l'enfant a permis son utilisation, par exemple, dans les mouvements contre le mariage pour tous. Enfin, ça, c'est la version française, quoi. Mm-hmm. Mais aussi dans le pour le mariage, peut-être mm-hmm. dans une moindre mesure. Et donc, elle dit, c'est au nom de cette protection de l'enfance qu'on va lutter contre l'IVG, par exemple, contre les toilettes non genrées dans les écoles ou les autres espaces publics. Je pense que c'est des moments, des débats qui agitent pas mal aux États-Unis, je pense, à cette époque. Et donc, l'infantilisation, qui n'est pas du tout libératrice dans tous les cas. Et donc, c'est pour... Elle dit, ah oui, elle dit aussi, par exemple, un autre exemple, en tout cas, pour revenir vite fait là-dessus, c'était qu'on utilise aussi l'enfance pour... Enfin, ou là, une forme d'infantilisation, enfin, c'est un peu... Je sais pas, pour protéger les populations des nations premières. Un peu comme, voilà, un peu comme quelque chose à protéger. Enfin, elle fait ce parallèle-là. Et donc, bon, voilà, c'est que toutes ces notions sont un peu utilisées à différents endroits, un peu assouplies, quoi, enfin, mm-hmm. en fonction de ce qui arrange, mais qui sont quand même inscrites dans toute une réflexion, et donc une réflexion d'une histoire quand même raciale. Et elle dit, ça nous permet quand même de voir à quel endroit lutter ensuite. Et elle revient sur tout ce qui est la justice, et que de nombreuses personnes... Donc, de nombreuses personnes jeunes qui font face à la justice font face à pas mal de réglementations, encore plus quand on est mineur et encore plus quand on est marginalisé dans le reste de la société. Elle dit en particulier sur tout ce qui est répression autour de la sexualité et du genre, avec voilà, quand on est plus vite en contravention, ça se dit pas ça en français, non ? Si, bah, en défaut par rapport à la justice. Ouais, voilà. Qui vont être plus importants pour les mineurs, par exemple, ne pas traîner la nuit, manquer à l'obligation scolaire, si en fait on se retrouve à être pris en ayant bu, drogué, à vagabonder, etc. Ce serait un peu, enfin j'imagine vagabonder existe encore aux États-Unis comme terme, entre guillemets. Ce serait encore plus répréhensible quand t'es mineur parce que t'as plus d'interdictions que quand t'es adulte. Et ces interdictions sont censées être pour la protection de l'enfance. Et donc, si les adultes enfermés pour les mêmes choses, être mineur va pas apporter forcément de la protection, mais plus de surveillance et d'enfermement. Et elle cite un exemple, mais je pense voilà, qui est spécifique un peu aux États-Unis, mais qu'on peut retrouver aussi en France, sur les lois sur les gangs dans les années 90, mais aussi, elle revient sur la régulation de la sexualité émergente des jeunes, et en particulier des jeunes filles, où il y avait eu, au moment où je pense qu'il y a un peu plus de visibilité de la sexualité adolescente, etc., que il y a pas mal de catégories qui sont créées, incorrigibles, débauches, associations avec des personnes immorales. Et donc, en gros, beaucoup de filles avec plus d'une relation étaient envoyées en maison de redressement. Et quel que soit leur motif d'incarcération, ce qui était sous-tendu, c'était leur mauvaise condition sexuelle. Enfin, conduite, pas condition. Et du coup, là, elle revient un peu plus au présent et dit que beaucoup des personnes, un tiers des personnes accusées d'atteinte sexuelle sont des mineurs. Et qui ont des lois, entre autres, plus répressives, par exemple, sur l'utilisation des nudes, qui sont plus réprimées chez les mineurs que les majeurs. Et elle dit que les personnes, d'ailleurs, parmi ces personnes, que les personnes non blanches, queer et trans sont surreprésentées, en général, dans le système de la justice des mineurs, et qu'il y a beaucoup moins de présomption d'innocence dans ce cas-là. Par exemple, elle donne l'exemple de chez les personnes noires qui se retrouvent avec des préservatifs qui... sont mineurs, qui sont à un moment catégorisés comme prostituées. Et du coup, il y a des luttes à des moments pour dire, en fait, si c'est une personne blanche avec un préservatif, ça va beaucoup plus être de la prévention, accepter. Etc. Mmh. Accepter. Mmh. Et donc, il y a eu à des moments des luttes un peu pour arrêter, pour cette présomption de port de préservatif. Et donc, voilà. Et après, c'est tout un peu ce que tu racontais, mais qui existe aussi aux États-Unis, où il y a pas mal de mineurs qui sont mis en prison pour majeurs, que certains faits, ça va être directement être dans les prisons, dans les tribunaux pour mineurs. Et donc, après, il y a un peu un passage sur la protection de l'enfance, sur, en fait, toutes les personnes qui vont se retrouver face à la protection de l'enfance placées, vont, en fait, se retrouver... il y a des espèces de, je sais pas, de statistiques qui sont faites, par exemple, pour les personnes queer ou les personnes trans, qui, en fait, vont se retrouver à 100% dans des conditions de maltraitance, et pour beaucoup, dans des conditions de violence, de ne pas être ensuite adoptées ou très peu, ce qui est le cas aussi pour les personnes noires, d'être beaucoup changées de foyer, de vivre aussi des violences sexuelles, etc. Et donc, du coup, qu'il y a... qu'en fait, la protection de l'enfance n'est pas du tout dans son... Enfin, c'est une reproduction, quoi, voilà. J'ai carrément arrêté de lire mes notes, donc je suis en... une reproduction des violences. Ouais, carrément. Et donc, il y a beaucoup moins... Enfin, oui, voilà. Bref. Et je voulais un peu terminer sur le fait que... toute la réglementation sur les violences sexuelles, alors elle insiste pas mal là-dessus, parce qu'il y a une réglementation qui est assez forte sur la protection de l'enfance, qui est de ne pas pouvoir, pour les personnes qui ont été condamnées pour les violences sexuelles, de ne pas pouvoir être habitées à moins de 300 mètres d'une école, que c'est inscrit dans le passeport, et du coup, que c'est contrôlé pour plein de métiers, tout ce qui est registre de passeport, etc. Et du coup, ça implique que plein de gens restent en prison parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de logement, par exemple, dans des états hyper denses, genre l'état de New York, où en fait, il y a une densité trop forte pour répondre à ce genre de situation. Et que les personnes qui sont dans ces situations sont les personnes les plus précaires, en général, et racisées souvent dans la société, quoi. Et j'avais envie de rajouter un petit truc aussi sur la réglementation, où il y a par exemple pas mal de lois qui interdisent la vente de drogue aussi aux abords des écoles, etc. Et que ça, ça double les peines. Ça, tu peux aussi être envoyé directement dans les tribunaux pour adultes si tu es mineur, etc. Donc, cette protection de l'enfance qui va condamner, etc. Et donc, par exemple, ça, la vente de drogue, c'est 5 ans et il n'y a plus de sursis, par exemple. Donc, c'est... Et voilà, et du coup, après, il y avait un peu un truc où je trouvais que ça permettait un peu d'élargir sur toutes ces données, contrôles biométriques, etc., qui, en fait, comme l'ADN ici, sont étendues à toutes les catégories de délits, crimes, etc., et, de la... et donc qui généralisent le contrôle sur l'ensemble de la société, et en particulier des plus précaires, etc. Voilà. Ce qu'on voit dans cette émission, c'est que à quel point la catégorie enfance, elle est malléable selon les intérêts de la justice, slash de la protection de l'enfance. Et ce qu'on disait aussi, c'est qu'en fait, de protection de l'enfance à justice des enfants, il y a une continuité, en fait, c'est la même chose. Oui, c'est des questions à pas délier, comme on l'a dit dans l'émission, que beaucoup de prisonniers, prisonnières sont passés par l'ASE. Que c'est le cas aussi de jeunes en centre éducatif fermé. Et voilà, comme on l'avait dit dans l'extrait de Christine Rochefort, en fait, mineur, c'est la loi qui le définit, et au final, c'est très sentencieux, et ça oriente vers quelque chose. Et par exemple, on ne dit pas établissement pénitentiaire pour enfants. Non. Ce serait... Ça fait pas du tout la même chose, quoi. Ça fait pas bon genre. Non. Pour finir cette partie sur l'enfance, moi je vais vous parler de la différence de traitement des mineurs palestiniens et des mineurs israéliens en Israël autour de ce contexte de colonisation et de guerre à Gaza. On voulait profiter de cette émission pour parler du sort des mineurs palestiniens enfermés dans les prisons et camps militaires israéliens dans le cadre de la guerre actuelle et de la colonisation en Palestine. Le mois dernier, le Parlement israélien a voté une nouvelle loi qui permet la condamnation des mineurs à la perpétuité à partir de 12 ans, dans les cas où ils sont accusés d'un meurtre, d'une tentative de meurtre qualifiée de terroriste ou d'être liés à une organisation terroriste. On l'avait déjà évoqué au début de la guerre, ça fait 400 jours qu'il y a un conflit à Gaza. Aujourd'hui, le nombre de pertes humaines est estimé à 44 000 du côté palestinien, parmi lesquels bon nombre d'enfants, vu que la moitié de la population de Gaza est âgée de moins de 18 ans. Selon l'ONU, la situation sur place est épouvantable et apocalyptique. La population est en situation de famine, il y a des pillages et de la contrebande de l'aide alimentaire. Et pour donner un exemple, la farine est à 10 euros du kilo. Contexte qui permet de supposer que le nombre de morts ne va faire qu'augmenter et se prolonger, même après des accords de paix éventuels entre les deux camps. Ici, on se concentrera sur le traitement des enfants palestiniens dans le contexte colonial, mais il est à noter qu'on compte des enfants parmi les otages du 7 octobre, dont on espère la libération prochaine. Revenons aux enfants et adolescents palestiniens. Dans le contexte colonial dans lequel ils vivent, ils ne sont pas considérés comme enfants, comme c'est aussi le cas pour les enfants racisés et ou pauvres en France, aux États-Unis ou ailleurs. Et on voit par exemple comment la presse occidentale, très prompte à défendre les faits de guerre du gouvernement israélien, utilise plus volontiers le mot « mineur » que le mot « enfant » pour éloigner l'idée d'une enfance vulnérable, pour euphémiser la guerre et les morts. De la même manière, dans le système judiciaire israélien, les enfants palestiniens et les enfants israéliens ne sont pas soumis aux mêmes mesures, aux mêmes lois. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, des jeunes palestiniens peuvent être ainsi condamnés à la perpétuité, alors que la justice des mineurs israélienne présente, comme en France, des principes de réhabilitation, de protection, vous connaissez la chanson. Comme ici, la lutte contre le terrorisme est un motif utilisé pour mettre en place des mesures d'enfermement qui pourront s'étendre à bien d'autres cas. Aujourd'hui, c'est pour des jets de pierre que la plupart des enfants palestiniens sont enfermés, un acte passible de 20 ans de prison devant les tribunaux militaires. Il est difficile d'avoir un chiffre clair sur le nombre de prisonniers palestiniens mineurs enfermés en Israël. Le gouvernement parle de 160 détenus pour des raisons politiques et ou terroristes. Les chiffres pourraient aller en réalité de 500 à 1000 détenus mineurs par an, en prenant en compte les détentions administratives sans procès, par exemple. Certains adolescents sont enfermés pendant plusieurs mois consécutifs avant d'être libérés sans procédure ou sans plus d'informations. Cette loi concerne les mineurs habitant à Jérusalem-Est, car cela fait longtemps que l'enfermement à partir de 12 ans et la perpétuité sont possibles en Cisjordanie. Par ailleurs, à Jérusalem-Est, il existe aussi pour les enfants des mesures d'assignation à résidence, ce qui crée des relations parents-enfants compliquées et où les parents qui essayent de faire respecter le truc par peur de la répression se retrouvent à être dans une position de gardien de prison. À l'intérieur des prisons, les conditions pour les mineurs sont aussi dures que pour les adultes, avec des interrogatoires violents, de la torture pour obtenir des aveux, des violences physiques et sexuelles, une privation d'eau et de nourriture et un recours courant à l'isolement. Les arrestations en elles-mêmes sont traumatisantes et elles ont lieu souvent pendant la nuit avec les enfants qui ont les yeux bandés et les poings liés. Du coup, se pose toute la question de comment être enfant dans ce contexte colonial où il y a un traitement spécifique des enfants palestiniens, comme ça peut être le cas en France pour les enfants pauvres ou racisés, ou aux États-Unis comme t'en parlais pile. On va s'écouter une petite musique avant de passer à la dernière chronique qui va clore cette émission et qui sera sur un tout autre sujet. Il paraît que ça fait péder, mais j'y peux rien, ça me fait mouiller. Les pètes plus gros que des lolos, envie de lécher leurs abdos. Oui. On est dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. On vient d'écouter Go Musclé de Gio Ventura et Rebecca Warrior. C'est une musique qui fait partie du film Les Reines du Drame, une comédie musicale avec une histoire d'amour lesbienne qui est en ce moment au cinéma de la réalisatrice Alexis Langlois. Avril, toi, tu vas nous présenter la première chronique dystopique. Ah, la première ? Je crois. Eh ben, en tout cas, peut-être la première et la dernière. Oui, sans doute. la dystopie, en tout cas, c'est pas le futur, hein, c'est aujourd'hui. vous avez, une personne, quand elle est incarcérée dans les années 80, eh ben, à ce moment-là, on est encore à la fin de la guerre froide. L'URSS existe toujours, les téléphones sont fixes, les ordi quasi inexistants, Internet n'existe pas. Et il y a une vague d'installation des premières centrales nucléaires. Donc l'électricité n'est pas du tout aussi abondante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui où tout est électrique, tout est numérique, tout passe par Internet, le réseau de caméras se fait toujours plus dense et intelligent dans les villes et les campagnes, les réseaux sociaux prennent une place énorme, les caisses de supermarchés sont en partie automatisées, le travail aussi est beaucoup informatisé. Dans le même temps, les lois ont bien changé, tout un tas de nouveaux délits sont nés, les contrôleurs y sont accompagnés d'une armée d'agents de sécu dans les transports, les vigiles sont partout, les militaires de sentinelle aussi, etc., etc., etc. Bon, ça envoie du rêve. Hein. Oui, ça a l'air super. la dystopie, c'est aujourd'hui. Mais au moins, il y a plein de révoltes pour mettre un peu de gaieté dans ce monde. Bref, la chronique. On sort sortir de prison quand on y a passé tant d'années, surtout alors que la société suit les évolutions toujours plus rapides des nouvelles technologies, c'est faire face à un monde très différent de celui qu'on avait quitté. Un monde face auquel on est perdu et dont on ne sait pas utiliser les outils que tout le monde maîtrise. On est boomer malgré nous et bien obligé de constater à quel point la prison vole des années de vie. Comme s'il ne suffisait pas déjà de réadapter nos sens abîmés par l'enfermement entre quatre murs et de tenter de rafistoler les liens amicaux souvent brisés par la tôle, il faut en plus réapprendre tous les aspects techniques de sa vie. Mais les enfermeurs, ils adorent se creuser le ciboulot pour chercher à réinsérer les personnes qu'elles isolent pendant des années. Et aux États-Unis, la dernière trouvaille pour que ces prisonniers puissent, malgré les murs, arpenter les rues, ce sont les casques de réalité virtuelle. Ces petits bijoux de technologie ultra moderne, ce sont des masques équipés de deux écrans à l'intérieur qui permettent de simuler un écran en 3D à 360 degrés autour de soi. Au Colorado, depuis 2012, il est devenu inconstitutionnel de condamner des mineurs à la perpétuité sans leur offrir de conditionnel. Et du coup, c'est dans ce contexte-là que 6 personnes qui ont été enfermées mineures dans les années 80-90 on passait 3 ans à porter régulièrement des casques de réalité virtuelle pour découvrir une version numérique du monde qui les attend dehors. On simule d'abord des décors, des rues, des intérieurs, pour qu'ils puissent constater à quel point le monde a changé. Alors, monde, en fait, qu'ils ne voient toujours pas. Hein. La tôle, elle leur montre ce qu'elle veut leur montrer, de manière assez grossière, et rien de plus. Puis, on leur fait apprendre à utiliser les outils informatiques, Internet ou le téléphone. Non pas en leur filant un ordi ou un téléphone, ce serait trop simple, mais plutôt en simulant dans le casque de réalité virtuelle un ordi et un téléphone. Faudrait quand même pas leur offrir des sensations tactiles, quoi. Faut pas déconner. On leur apprend à gérer leur budget, ou encore on les met dans un bar où un type menace de se bagarrer avec eux et on leur demande comment réagir. Ces personnes-là, en fait, le truc le plus proche de l'expérience qu'ils ont quand ils enfilent ces casques, c'est pas le monde hors des murs de la prison, c'est plutôt un film qui est sorti après leur incarcération, c'est Matrix. Pour les préparer à la sortie de la tôle, la direction de la tôle les met littéralement dans la matrice. Une vision bien dystopique de leur réinsertion comme seules les autorités savent le faire. Ce casque, il est aussi utilisé dans la prison de GMAP, dans le nord de l'état de Washington, pour faire suivre à moindre coût aux prisonnières des ateliers virtuels de formation à la mécanique auto. Le géant de la sous-traitance carcérale Global Tel Link, GTL, il veut étendre le concept, notamment pour organiser des visites virtuelles, dont on imagine facilement qu'elles pourraient remplacer de visites réelles. Bah voilà, voilà, ça on voit du rêve. Cette chronique, qui n'avait besoin d'aucun casque de réalité virtuelle, avec une voix bien réelle, était un avant-goût de la prochaine émission, qui parlera des rapports entre technologie et prison. Et qui sera dans 2 semaines, à 20h30, ici même. Ce sera tout pour ce soir, pour nous, pour la 79e émission de Carapatage. Vous pourrez retrouver toutes les infos concernant l'émission sur notre blog carapatage.noblogs.org, sur notre compte Instagram de notre nom. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire au 4 Villa Stendhal, dans le 20e arrondissement à Paris. Alors, une bonne soirée à toutes celles et ceux qui nous écoutent en direct et à tous les autres qui nous écouteront. Bientôt, en podcast. Voilà, bonne soirée et surtout force à tous les enfants enfermés, en centre éducatif fermé, en établissement pénitentiaire pour mineurs, zone d'attente, etc. Aucun proche enfermé. Bonne soirée. Salut. Salut. On écoute « Je veux voir des blaireaux vivants » de Grâce et Volupte Van Van. À bientôt. Mais je viens loin, moi je prends le cric là lacrymo comme dans le clip à fleur de peau. Je me roule par terre, je suis pathétique. Ça va se finir, c'est statistique. Soyons uniques, quelques minutes, on se parle plus, on joue de la flûte. Je crois que cette fois je m'en remets pas. Je prends un cachet pour un coma. Je mobilise toute ma mauvaise foi, je vais mettre toute la faute sur toi. La vérité, je suis en chien, plus aucun intérêt restreint. Ça tourne comme un refrain, je te toucherai plus avec mes mains. Ça boit comme une connasse, le coup de levée toute la journée. Perdu mon centre de gravité, raté, raté, je suis tombée. Abandonnée par mon papa, j'ai longtemps écouté Vita. Des excuses préparées, comportement déterminé. Dans ma mort, j'aime me rouler, je suis ma victime préférée. Grandis un peu, ma vieille, tu vas finir dans la bouteille. Ça y est, je me suis perchée, tu pourras plus m'attraper. J'ai la beuge et j'ai le vertige, il faut que j'apprenne le lâcher prise. Rapidement, je suis sur ex. Fais ce que tu veux avec mes doigts, tant que je peux te serrer dans mes bras. Tu veux pas vivre avec moi, tu sais, je change souvent mes draps. Continuons, on y est presque, je veux devenir ta future ex. Ne crois pas que je sois acquise, le cœur fondu comme la banquise. J'ai la buzz et j'ai le vertige, il faut que j'apprenne le lâcher prise. Je suis bloquée dans le décor, pixelisé, y'a plus de trésor. Autour, le monde s'écroule sans toi, j'ai des problèmes, confiance en moi. Je tourne dans mes schémas, je vomis du sang dans mes dramas. Je me roule en boule et je m'endors pas. Je veux pouvoir rire de tout ça. Dans ma tête, c'est tout pété. Depuis quand j'ai plus envie, je veux retrouver ma légèreté. Ça va se finir en thérapie. Dans ma tête, c'est tout pété. Ça va se finir en thérapie. Faut que je prenne rendez-vous demain. Ça tourne comme un refrain. Une émission contre toutes les cages.